بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، نواصل اليوم في درسنا في هذا الكتاب الذي نرجو من الله أن يكون مباركا، المبادئ المفيدة. Donc on poursuit. La dernière fois on a pris quatre questions. Laskourha. Rappelle les questions qu'on a prises. Quel est ton Seigneur? Qui est ton Seigneur? J'étais sûr. La dernière fois. Ah, ce prophète. Ça c'est le premier. Ça c'est le parmi les premières questions qu'on a prises. Ce prophète. On avait pris Mahoua. C'est quoi le shirk? Ah oui, mais. Avant ça, on avait pris Mawahakullah al-Ibad, qui est le droit d'Allah, ses serviteurs, et c'est, on avait dit qu'il adore sans y l'associer. Thumma sa'alna an hukm taswir zawat al-arwah, par rapport au taswir, qui est le fait de représenter des images figurées. Et on avait demandé c'est quoi le lien justement avec le Tawhid, pourquoi ça a été cité là. Ça a été cité là, entre autres déjà dans ce livre, dès le début, car les enfants, comme je l'ai précisé, sont dès l'enfance amenés à être confrontés à ce péché, avec tout ce qu'on leur donne comme procédé parmi les jouets, parmi l'éducation dans leurs livres, tout ça, il y a toujours des images. Leurs vêtements, toujours des images. D'accord ? Donc l'enfant depuis petit, il faut l'habituer à ce qu'il comprenne cela. Que ce jugement-là, c'est une chose qui est gravissime et qui est le tawhid. C'est pas un péché comme d'autres, dans le sens où tout péché est grave. Après, il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres, mais celui-ci, il est vraiment important. Car trop facilement, on s'y habitue. Et on le minimise, on le normalise. Donc l'enfant depuis petit, il faut qu'il sache que ça, c'est pas normal. D'accord ? Et que de lui-même, il réagisse. Qu'on n'ait pas tout le temps à lui dire... Quand tu dessines, fais pas de tête. Quand t'as un jouet, laisse pas la tête. Si on te prend en photo, te laisse pas faire. D'accord? S'il y a des vêtements avec des photos, ou des images, des dessins, tu dis non. De que l'enfant lui-même, il réagisse. Qu'on n'est pas tout le temps derrière lui, parce qu'après, on va dire que c'est toi qui le martyrise ou qui le prive. Si l'enfant de lui-même l'a compris, il voudra pas, tu vois. Tu vois les enfants quand ils ont pris ça, puis peux-tu dire, oh, y'a Abid, on a fioros. Il dit, oh papa, il y a une tête, regarde. Tout de suite, il réagit. Parce que depuis petit, il est habitué. Non. Et aussi, point important dans le taswir qu'on n'a pas précisé hier, c'est que, autre que le fait que cela soit interdit en lui-même, avoir des images, des représentations chez soi, cela empêche l'entrée des anges dans la maison. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yatroulu al-malaika baytan fihi sura au kalb. Que les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a une image, c'est-à-dire une image figurée, comme on l'a dit. Et quand on dit image, soura, ça peut être tout ce qu'on a dit hier. Ça peut être une statuette, ça peut être un dessin, ça peut être une photo, ça peut être une vidéo, ça peut être tout ça. Et un chien également. Celui qui a un chien chez lui, les anges n'entrent pas chez lui. Non. Donc combien de gens se privent de la venue des malaïka pour des choses futiles? Pour des choses futiles. Et on a expliqué, Allazi ma'ahu soura kayf yaf'al, celui qui a une image avec lui ou autre, comment il fait? C'est quoi qu'il faut faire? Hein? C'est une image. Ouais. C'est quoi qu'il faut faire? Il faut la supprimer ou la cacher. C'est quoi la chose qui supprime l'image, François? Le jugement. Directement. La chose qui est. Ah, qui annule le jugement de l'interdiction. Sur l'image, c'est quoi? Qu'on a besoin obligatoire. Non, je parle pas de ça. Je parle de. T'as une image, il faut que tu l'enlèves, par exemple. Tu peux pas tout enlever. C'est quoi qu'il faut enlever, en fait? La tête. Non. C'est la tête qu'il faut enlever. Taïb, nouassil. Yaqul. Faiz yaqil alak. Ma ta'alifu al-ibada. Quelle est la définition de l'adoration? Faqul hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibuhu Allahu yardah. C'est un mot d'ensemble englobant tout ce que Allah aime et agrée. وقد ذكرنا Adam مرارا, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup cité. اولا العباده هو غايه الحب, c'est le summum de l'amour. Et celui qu'on aime le plus, c'est Allah Azza wa Jal. Également son messager. Mais l'amour qu'on porte au messager, c'est un amour qui est pour Allah. On n'aime pas le messager pour lui-même. On l'aime parce que Allah nous a ordonné de l'aimer. Et parce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous, représente ce que Allah Azza wa Jal nous révèle. Donc on l'aime. Quand même. لكن الذي يحب لذاته فقط, la seule chose qu'on aime pour elle-même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Tout le reste, on va l'aimer pour Allah. En mesure de cette chose-là, plus elle se rapproche d'Allah, plus on va l'aimer. Plus elle s'éloignera, plus on l'aimera. فقال والدليل قوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. Si vous mécroyez, Allah se passe de vous. Il n'agrée pas la mécréance pour ses serviteurs. Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Donc le shukr kazalik fait partie de l'ibad, de l'adoration. On remercie Allah Azza wa Jal pour ce qu'il nous a donné comme bienfait. Et l'ibada se fait comme le shukr. C'est qu'elle a lieu dans le cœur, elle a lieu par les paroles et elle a lieu par les actes. Par une niya, tu adores Allah. Par une parole que Allah il aime, tu adores Allah. Et par des actes que Allah il aime, tu adores Allah. Hein? Ça rentre dedans. Donc l'adoration, c'est plus large que ce que les gens s'imaginent souvent, qui est limité à des actes apparents et précis. La salat, la zakat, on dit ça, ce sont parmi les plus grandes adorations car ce sont les piliers de l'islam. Sans quoi le musulman, il adore Allah de pleine manière, sans même que cela ne se voit. Et parmi les adorations, il y a celles qui sont obligatoires, bien sûr, et décrétées avec des règles, et d'autres qui sont des actes communs, permis de base, mais que l'on fait avec une niya de se rapprocher d'Allah. Donc ça devient une ibad. Et c'est pour cela qu'Allah nous a créés, pour l'adorer. ثم قال وإذا قيل لك أين الله. Et si on te demande où est Allah, cette question qui dérange beaucoup de gens. Dès qu'on pose la question, les gens disent pourquoi tout le temps avec cette question, pourquoi tout le temps où est Allah. Même ils sont partis à dire des choses incroyables par rapport à ça. On dit parce que Allah dans son livre nous en informe, donc c'est important de le savoir, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même a déjà interrogé une jeune esclave à cette question-là. Et aujourd'hui, cette question révèle de beaucoup de choses. D'accord ? Par cette question-là, tu pourras voir beaucoup déjà, déjà l'ignorant de celui qui sait, et tu pourras voir celui qui est de base, de façon générale, sur la sunna, et celui qui ne l'est pas. Cette question-là, elle est décisive. Par elle, tu vas comprendre beaucoup de choses. Fakoul, Allahu fis sama mustawin ala arshi, que Allah est au-dessus du trône, ou du ciel à fouen, élevé sur le trône. Et quand on dit que Allah est fis sama, à la base, ça se traduirait par Allah est dans le ciel. Mais fi là, le harf jar fi, il a le sens de a'la, ou de ala fouen, qui veut dire au-dessus. Et la preuve, c'est la parole d'Allah azza wa jal, amintum man fis sama an yarsifa bikum al-ard. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus du ciel, donc le verset est wadih, il est clair, vous fasse disparaître sous terre, et voici qu'elle tremble. Waqulu ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Waja fi hadith Abi Hurayra. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. الحديث هو متفق عليه. La traduction Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit jusqu'au ciel le plus bas de la dunya. » Lors du dernier tiers de la nuit. D'où le fait que le Qiyam al-Layl, la salade de nuit, le meilleur temps c'est celui-ci. Pourquoi ? Pour ce qui va suivre. Il dit, ça se prouve que Allah Azza wa Jal, il parle. D'accord ? Allah Azza wa Jal, il parle. Qui m'invoque, que je lui réponde. Qui me demande, que je lui donne. Qui me demande pardon, que je lui pardonne. Donc ce hadith, kazalik, il est clair. Maintenant, on n'a pas à demander le comment. Parce que les gens vont dire, attends, mais tel pays à telle heure, c'est la nuit, si c'est le jour, comment Allah Azza wa Jal descend ? Tu vois ? On dit, le comment ne te revient pas. D'accord ? Le hadith est authentique. Muttafaqun alayhi. Allah te dit qu'il descend. Toi, tu crois. Si on rentre dans ce genre de questions, comment, dans les Asma wa Sifat, c'est une porte d'égarement. Et comme on l'avait déjà cité, c'est la venue de l'imam Malik, lorsque cet homme a demandé à propos des istiwa. Les istiwa, c'est l'élévation. Alors, il a entendu l'imam Malik. Qu'est-ce que l'istiwa ? Comment l'élévation ? Alors, quand l'imam Malik, elle m'a rien à marloum. Ça y est. سؤال عنه بدعة والكيفية مجهول ثم أمر أن يخرج الرجل من ولمن به واجب نعم ثم أمر أن يخرج الرجل. Il a dit que l'istiwa, l'élévation, le sens en arabe istiwa, il est marloum, il est connu. Il a dit le comment, il est ignoré. Et la question et le fait d'y croire est obligatoire en cela. Et la question à ce sujet-là est une innovation. Puis il a demandé à ce que cet homme soit expulsé de la salle. Car il commençait à rentrer dans un sujet qui ne lui revient pas. Tu vois. Allah Azza wa Jal, on n'a pas à réfléchir sur ses noms attributs. On les prend comme ils viennent. On réfléchit sur sa création. On réfléchit sur son livre, ce qu'il nous indique. Mais sur lui-même, Tafako Fizatillah, Mayajuz. On n'a pas le droit de réfléchir sur Allah Azza wa Jal parce que ça peut amener à des portes d'égarement. D'ailleurs, Shaitan, il vient avec ce bab-là. Il dit, man khalaka kaza, man khalaka kaza, man khalaka kaza, hatta yakul man khalaka Allah. Shaitan, il va voir les gens, il leur dit, qui a créé cela? Qui a créé cela? Qui a créé cela? C'est ce qu'ils disent, qui a créé Allah? C'est pour ça que, réfléchir, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas à réfléchir. C'est une porte à s'égarer, à se perdre. Donc là, on voit dans ce hadith, qu'Allah Azza wa Jal, c'est à ce moment-là que, dernier tiers de la nuit, c'est une heure à laquelle les invocations se demandaient. Elles sont répondues, je veux dire. Et certains, ils ont voulu faire un ta'wil de hadith interprété parce qu'ils ne veulent pas accepter qu'Allah soit aux cieux, parce que pour eux, c'est le fait de mettre Alia dans une localisation, de le mettre dans sa création. Vous voyez ? Naam. Donc, ils ont fait quoi ? Ils ont pris ce hadith, ils ont commencé à l'interpréter en disant qu'en fait, ce sont les anges qui descendent et pas lui. Et les anges, est-ce qu'ils vont dire qui me demande que je lui réponde ? C'est du shirk. Et ils vont dire qu'ils demandent pardon alors que je lui pardonne. Alors que c'est Allah qui pardonne. Tu vois. Donc ce ne sont pas les anges. C'est Allah, c'est lui-même qui dit ça. Naam. Et dire que Allah est au-dessus des cieux n'inclut pas que Allah soit dans sa création. Hacha wa kalla. Laysa kamithlihi shay wa samir basir. Il n'y a rien qui est comme lui et il est clairvoyant en audion. C'est-à-dire que Allah, azawajal, il a des attributs dont l'appellation est commune avec les attributs chez la créature. Cependant, le comment nous est inconnu. Mais le sens du mot nous est connu pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Quand là, alors, il dit qu'il a deux mains, ça veut dire quoi deux mains ? Maintenant, est-ce qu'on sait comment sont ses mains à lui ? On ne sait pas comment sont ses mains à lui. Donc, Kazalik, si Allah te dit qu'il est au-dessus des cieux, d'accord ? L'élévation. Les gens vont dire, ça inclut. T'as un lieu, on dit non. Allah n'est pas dans sa création. Mais il te dit qu'il est au-dessus des cieux. Le comment, ne cherche pas à le comprendre. Pour preuve qu'il descend au troisième tiers de la nuit, et le troisième tiers de la nuit, d'un endroit à l'autre, il varie. Donc, on peut pas comprendre. Le comment. Mais le sens, que Allah descend, on comprend. Donc, s'il descend, ça veut dire qu'il est où? Qu'il est en haut. D'accord? Parmi ces noms, Al-A'la, le plus haut, ou Al-Ali, le très haut. Donc l'élévation, ce qu'on appelle istiwa, al-ulu, plutôt, al-ulu, min sifatillah. Al-ulu, qui est le fait d'être en hauteur. D'accord ? L'élévation, c'est parmi les attributs. Et l'istiwa, C'est le fait qu'il soit au-dessus du trône. C'est le Ulu à la Arche. Et avant, je me trompais quand je traduisais Ulu. Bien que je connaissais le sens en arabe, mais en français, je le traduisais mal, je mettais un storé ou ce genre de choses, ça c'est une erreur. Quand même, pour ceux qui auraient eu l'occasion de lire mes traductions antérieures d'il y a longtemps, elles sont fausses. Le sens là, c'est, stiwa, c'est l'élévation. Maintenant, le Ulu. Non. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour les gens qui diraient pourquoi tu poses cette question-là, on dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà interrogé cette servante qui avait été giflée par Muawiyah. Il lui a dit, man ana, qui je suis? Elle a dit, anta rasulullah. Tu es le messager d'Allah. Elle a dit, oui Allah. Elle a dit, fils sama, au-dessus des cieux. Il a dit, irtiqaha fa innaha mu'mina. Il a dit, les baraques, c'est une croyante. Donc on peut tester les gens par cette question-là, si besoin est. Car aujourd'hui, les gens vont te dire quoi comme question? Allah, il est partout. Allah, il est dans mon cœur. On dit, Allah est dans la création. Tu vois? Tu dis, quand tu sais que ça veut dire qu'Allah, il est partout? Quand tu vas aux toilettes, tu fais ce que tu fais, Allah, il est là? Allah, il est sous tes pieds quand tu marches? Tu vois? Et les gens, ils ne restent pas ce qu'ils disent. Amma fi qawli ta'ala, alam tara inna Allah ya'lamu ma fi samawati ma fi al-ard. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وما هم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. N'as-tu pas vu que Allah sait tout ce qui est dans les cieux dans la terre et qu'il n'y a pas d'entretien, on va dire privé, entre deux sans qu'il soit le troisième, ni quatre sans qu'il soit le cinquième, ou plus ou moins sans qu'il ne soit avec vous où que vous soyez. Le verset dit ça, donc les gens disent Allah est partout avec nous. Vous voyez? Et que Yom Al-Qiyama, il va nous ramener, et que Allah, d'accord, est savant de toutes choses. Donc, en réalité, ça veut dire quoi? Qu'il est avec nous? Avec son ilm, avec son savoir. Allah Azza wa Jal, il est avec nous par son savoir. Il voit ce que l'on fait, il entend. Vous voyez? Comme qu'a dit Moussa wa Haroun, inni ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous deux, je vois et j'entends. Il a dit, Zaba il a Fir'aun, inna utara. Allez voir Fir'aun. Il a outrepassé. Inni ma'akuma. Est-ce que Allah était avec eux chez Fir'aun? Non. Pour dire, asma'u wa ara. J'entends et je vois, je suis avec vous. Et dans le sens, je suis avec vous également par mon soutien. Vous voyez, ma'iyya al-khassa, c'est-à-dire que Allah azawajal t'accorde son soutien, il est avec toi. Comme toi, demain, un exemple, tu vas faire quelque chose, tu m'appelles, tu es ailleurs, je dis, t'inquiète pas, je suis avec toi. Dans quel sens, je te soutiens. D'accord, je n'ai pas peur et tout, va parler à un tel et tout, dis-lui telle et telle chose, et s'il y a un problème, je suis avec toi, t'inquiète pas. Vous voyez, on va pas diverger toi et moi, je te soutiens, tu as mon soutien. Et pourtant, je ne suis pas avec toi au moment où je te parle. Vous voyez? Non, il y a plein d'adillets qui prouvent cela. Donc Allah Azawajal n'est pas dans sa création. Car cela viendrait à dire, Aqidat al-Hulul, c'est la croyance de mettre Allah dans sa création. Comme l'ont fait les Nasara, en disant que Allah c'est Isa. Et ils disent que Allah il est en nous, et ainsi de suite. Ça c'est du kufr. Allah n'est pas en nous. Et il y a Wahdat al-Wujud. Notre croyance qui est fausse et mécréante, c'est le fait de dire que tout est Allah. Que nous tous ensemble, tout ce que l'on voit, ça représente Allah Azza wa Jal. On dit non, on n'est pas Allah. La création c'est la création, Allah Azza wa Jal c'est le créateur. Tout ne fait pas qu'un. Allah c'est un, et nous, on est différentes choses. Nous sommes sa création. Et Allah n'est pas en nous, nous ne sommes pas en lui. Et nous ne sommes pas une chose uniforme. Qu'Allah. Donc Allah Azza wa Jal, Tayyib, Mustawin al-Arshi, Bain al-Khalqihi, qu'il est au-dessus de son trône, séparé de la création. Maintenant, son élévation, comment est-ce qu'elle est, on ne sait pas. Mais on y croit. Non. Donc ça c'est important d'enseigner ça aux enfants, de leur dire oui Allah, ils vont dire fils sama. Et cette base-là, cette croyance-là, normalement tu la trouves chez les gens du livre. Tu vois, cette croyance-là, on la trouve chez les gens du livre, mais après ils l'ont interprétée à leur sauce. Mais sans quoi ils vont te dire, quand tu leur demandes, on dit Dieu est au ciel. Tu vois. Et même ton instinct t'amène, lorsque tu demandes une chose à Allah, de aller regarder vers le haut. Et ce qui est supérieur à toi, te domine et forcément au-dessus de toi. Tu vois. Notre Père qui êtes aux cieux. Ah là, par exemple, dans leur prière, ils le disent, comme tu l'as dit. Même ils disent, les morts, le Jannah, ils disent, c'est au-dessus. Et l'enfer, c'est en bas. Tu vois? Ça, c'est une chose qui est innée à la base, d'y croire. Ce qui te domine est forcément au-dessus de toi. ثم قال en fait, c'est la réponse de la question qui est bien après, je viens d'y répondre déjà. فإذا قيل لك هل الله معنا, si on te demande est-ce que Allah est avec nous, donc j'ai ajouté ça à la question qui était auparavant, la réponse. فقول الله عز وجل معنا بعلمي, dit Allah est avec nous par sa science, par son savoir. La preuve est la parole d'Allah, وهو معكم أينما كنتم, il est avec vous où que vous soyez. Et tout à l'heure, on a dit le verset entièrement, et à la fin, إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ, que Allah est savant de toutes choses. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. Et Allah, dans les cieux et sur la terre, il connaît ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ, que cela signifie que Allah est celui qui connaît ce qui est dans les cieux et sur la terre, que cela soit secret ou apparent. Donc, يحيط بكل شيء علما, il cerne par son savoir toute chose. Et il connaît les choses avant qu'elles n'aient lieu. Et il sait même ce qui n'a pas eu lieu, comment ça aurait été si ça avait eu lieu. Et c'est tout. ثم قال فإذا قيل لك ما تعريف الإسلام؟ Non. Quelle est la définition de l'islam? En premier, on avait dit quoi à propos de l'islam? Que l'islam est de deux sortes. Tu as l'islam qui est âme, celui auquel ont appelé tous les prophètes, et celui dont l'auteur va parler là. Et l'islam qui est khas, c'est celui qui est spécifique à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les cinq piliers. D'accord? Qui sont les cinq piliers? Comme dans le hadith de Jibril qu'on a pris dans le Salaf. Et sur ces cinq piliers inclut cette définition générale. قال فقول هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. C'est le fait de se soumettre à Allah par l'unicité, de l'obéir avec docilité. Moi, j'en prends souvent le mot assujettissement. C'est plus fort que docilité. Et se purifier du shirk. Et normalement, c'est également de ces gens. Là, l'auteur ne l'a pas mis. Mais, wa al-khulus min al-shirk, al-barat min al-shirk, kazalik wa ahli. Le fait de se purifier du polythéisme. Et également de s'en désavouer et de ses adeptes du shirk. والدليل قوله تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Votre divinité n'est qu'une seule divinité, unique, alors soumettez-vous à lui et faites bonne annonce à ceux qui s'humilient. Et c'est là que cela rentre Al-Qiyad Bittara, ceux qui s'humilient. Et cette définition nous montre que le musulman est obligé d'agir, obligé qu'il pratique, un minimum. Ce qui réfute cette expression qu'on entend trop fréquemment, musulman non pratiquant, on dit ça n'existe pas, musulman non pratiquant. T'es pas non pratiquant, t'es pas musulman. Enfin, elle est claire. D'accord? Et le mot musulman en lui-même en arabe veut dire soumis. Donc tu peux pas dire je suis soumis mais je me soumets pas. Ben, c'est que t'es pas soumis. Il n'y a pas de voie intermédiaire. Soit t'es soumis, soit tu l'es pas. Mais non, t'es pas forcément soumis totalement, tu as toujours une part de... Hein. Mais quelqu'un qui dit « je ne suis pas soumis », ah ben, tu n'es pas soumis, donc tu n'es pas musulman. Tu as beau dire « oui, je reconnais l'islam comme la religion véridique, je crois en Mohammed, en Allah, en Naam », ben, si tu crois vraiment, tu dois appliquer. Si vraiment tu croyais, tu appliquerais. Si tu croyais d'une croyance authentique et saine, tu appliquerais. Car si tu sais ce qui t'attend après la mort, concrètement, et tu sais que c'est vrai, et c'est ça qu'il faut, et que tu n'agis pas, ben, c'est que ta foi, elle n'est pas prise en compte. Quoi. Elle n'est pas valable. يقول وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en en lui étant soumis. Donc Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de mourir sur l'islam. C'est un ordre. Et ceux qui ne meurent pas sur l'islam, il sera forcément parmi les kuffars, quelle que soit sa religion. On m'a dit peut-être regarder l'islam medinan, fanek balominhu. On l'avait dit après au début, celui qui cherche une autre religion que celle de l'islam, ne sera pas accepté de lui. Quoi qu'il ait fait comme ce qui est considéré comme étant du khayr dans ce bas monde, auprès d'Allah Azzawajal, ce sera la poussière. Aucune valeur. Quoi qu'il ait fait, tant qu'il n'aurait pas été sur le tawhid et qu'il n'aura pas fait les attestations. Et qu'il n'aura pas une foi concrète, la vraie foi, qui est le fait de croire en Allah, avec tout ce que cela implique, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, au jour dernier, et au destin qui sont bons ou mauvais. Obligatoirement. Et y croire en cela t'amène à agir. On avait dit quoi? Dans l'attestation de Mohammed Rasulullah, c'est le croire dans ce qu'il dit, et obéir à son ordre, et délaisser ce qu'il a interdit. Et de savoir qu'on ne peut adorer Allah que parce qu'il a légiféré. Donc tu es obligé d'agir. Quand il t'a dit, l'ami sallam, il t'a donné un ordre, tu dois obéir. Et quand il t'a dit de délaisser une chose, tu vas t'obéir comme tu peux. Parce que des fois, il y a des cas de darura, ou des cas de contrainte, ou des fois, tu ne peux pas forcément faire les choses comme il se doit. Mais tu fais ce que tu peux, à ce moment-là. Mais tu fais. T'en as, il faut rien. Tu arrives, ils veulent pas. Mais quand il t'a dit que tu évites ce qui t'a interdit. Neuf chez. Donc, croire en Allah, et croire en ses livres, Allah dans le Coran nous a dit, watir Allah, watir Rasul. Obéissez à Allah, obéissez au messager. Donc, on doit obéir au messager. Ça va ensemble. Obéir à Allah, obéir au messager. Donc, Abdullah Ta'ala, ou manutir Rasul, ou kadata Allah. Celui qui obéit au messager, à cette obéir à Allah, azawajal. Donc, ça va ensemble. Soumakal. في السؤال السابع عشر لستم كيستيون فإذا قيل لك هل دين الإسلام كامل أم يحتاج إلى التكميل si on te demande est-ce que la religion de l'islam est complète ou bien nécessite-t-elle d'être complétée فقول هو دين كامل dit c'est une religion qui est complète finie والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Vous êtes comblé de mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc l'islam, il est parfait. Il n'y a rien à y ajouter. Et celui qui viendrait ajouter quelque chose tomberait dans l'innovation. Celui qui viendrait à modifier quelque chose et tomberait dans l'innovation. Et celui qui viendrait abroger quelque chose également. Et ça pourrait même aller jusqu'au kufr. C'est une modification, ça peut être une bizarre, ça peut être du kufr. Par exemple, quelqu'un dit, tu as le droit de faire le zor 5 rakat. Tu dis, non, il dit, si tu peux. Ça va du kufr. Par exemple. Ou quelqu'un dit, par exemple, t'as pas à faire le zor, c'est pas obligatoire pour toi. Il abroge un jugement de lui-même. Ça aurait été du kufr. Parce que là où le savant diverge par rapport à la salat, qui est délaissée, c'est celui qui sait qu'elle est obligatoire, mais ne la fait pas par paresse. Mais celui qui dit qu'elle n'est pas obligatoire, ils sont unanimes que lui, c'est un kafir. D'accord? Celui qui la délaisse par obstination. Il dit, je sais pas, faire la salle, c'est pas obligatoire pour moi. Toute chose qui est obligatoire en islam, reconnue unanimement, ou quoi, que tu dis, c'est pas obligatoire, après, ça dépend des masaïls. Les masaïls dans lesquels il y a, la chose n'est pas claire, il y a divergence, ou voilà, quoi. Et là, elles sont unanimement reconnues, celles-ci, ma'louma bidaroura, tu ne peux pas les, changer. Donc celui qui viendrait à changer une chose dans la religion, il tombe dans la bid'a, dans l'innovation. Qui est le fait d'apporter une chose nouvelle en religion dans le but d'adorer Allah Azzawajal, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Quand on parle de bid'a muharrama, c'est la bid'a qui a lieu en religion. Et cette bid'a, elle peut être mukaffira ou mufassiqa. T'as l'innovation qui te fait sortir de la religion, et t'as celle qui te rend fasiq. Tout le monde est forcément au minimum fasiq. Et t'en as, ils font une bid'a, cette bid'a-là, elle sort de la religion. Parce qu'ils ont fait un moyen d'adoration. Mais ça donne des gens qui vont invoquer, faire un tawaf autour d'une tombe. C'est une bid'a. D'accord? D'une part. Et en plus, ça devient du kufr. Parce qu'ils font l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'ils disent pas, non, je fais pas ça pour lui, je sais pourquoi je viens le faire ici alors. Si tu fais pas pour celui qui est dans la tombe, pourquoi tu viens le faire ici alors? Tu peux le faire dans ta chambre, dans ton lit. Quoi, tu viens là, dans son cimetière, faire ça ici. C'est que t'as un irtikad par rapport à ce kobre. Donc, forcément, là, t'auras donné quelque chose à autre que Allah, qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, donc t'as fait du shirk. Et le tawaf, à la base, c'est une chose qui est légiférée. Ils appellent ça les circumambulation, voilà. Ou le circuit rituel, rituel également, nous les urafouem. Je crois que c'est un mot, il n'existe que pour nous. Non. Je crois qu'il n'y a que chez nous qui devait trouver ce mot-là. Voilà, personne n'utilise ce mot-là. Shahid, anna hadha aslan mashru'a. Ça existe, mais ça, on le fait où ça? Où est-ce qu'on tourne? Allez, voilà, autour de la Kaaba. Et ils ont pris ça, ils vont le faire ailleurs. Comme ça, là. Je vais voir combien de temps ça fait là. On va s'arrêter là, Inch'Allah, Lyon. Non. Donc, les questions qu'on a apprises aujourd'hui, c'est Ta'alif à l'islam, la définition de l'islam, de l'adoration à Fouen, Ta'alif à l'ibada, Ain Allah, où est Allah? Est-ce que Allah est avec nous? Hel Allah ma'ana? Ta'alif à l'islam, la définition de l'islam, Wa hal ad-din kamil? Est-ce que la religion de l'islam est-elle complète ou bien nécessite-t-elle d'être complétée? Naam. On a ktafi bi dal qadr wa subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.